de bord de mer. Changer d'atmosphère dans ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus d'attendre. Mm-hmm.